Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Au soleil couchant, le cow-boy, avec son colt à la ceinture, quitte le ranch pour se rendre au saloon et boire du whisky. Parfois, il croise des Indiens coiffés de leurs plumes, évidemment. Et puis, il voit passer les convois des aventuriers qui se ruent vers l'or. C'est la conquête de l'Ouest. Paysage grandiose, épopée magnifique et souvent fantasmée, le Far West a servi de cadre à un genre cinématographique à succès, le western. Mais il est une autre épopée grandiose, tout aussi fascinante et qui est restée dans les mémoires avec le personnage de Michel Strogoff, magnifié par Jules Verne. C'est la conquête de l'Est, avec là aussi des paysages grandioses, de l'aventure qui fait rêver, des personnages incroyables. Cette fois, le cow-boy est un cosaque, la ruée n'est pas vers l'or, mais vers la fourrure. Oui, la fourrure, et le whisky est sans doute remplacé par de la vodka. Mais il est certain que l'épopée est là, vers l'Est, c'est l'épopée sibérienne. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous terminons une semaine consacrée à l'exploration du monde. Et oui, aujourd'hui, nous partons à la conquête de l'Est, ou en tout cas à la conquête vers l'Est, des émissions qui sont à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast aujourd'hui, l'épopée sibérienne. L'épopée sibérienne avec vous, Eric Hussley. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'Hebdo et au Temps et directeur du Temps. Donc tout ça, c'est suisse parce que aujourd'hui vous êtes professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous avez écrit « À la conquête du Caucase », ça c'était en 2006, mais là vous êtes parti encore plus à l'Est avec l'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord, un ouvrage imposant, un ouvrage qui fait rêver par sa lecture aux éditions des Sirtes, aux éditions Paulsen, un ouvrage imposant, je disais, mais l'aventure est imposante. Oui, c'est une aventure tout à fait extraordinaire et en réalité, à force de parcourir cet immense espace que je fréquente depuis maintenant une trentaine d'années, je me suis rendu compte de toutes ces petites parcelles d'histoire et je me suis dit que si ça me passionnait, ça devait aussi être capable de passionner finalement des lecteurs. Donc c'est effectivement dans cette direction-là que j'ai travaillé. C'est le cas. Et puis après, nous partirons encore plus à l'Est, j'ai envie de dire, parce que nous irons jusqu'au Japon à la rencontre des explorateurs. Du Japon, oui, parce qu'il y a des explorateurs. Un pays fermé ou un pays ouvert, le Japon est un pays compliqué, mais un pays magnifique qui regarde le monde. Avec vous, Annick Oryuchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Japon à l'université Paris Diderot. Et en fin d'émission, nous allons retrouver Anaïs Quien, qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, direction la Sibérie pour un voyage avec l'ORTF en 1965. Nous allons maintenant vous inviter à voyager, nous allons vous emmener en Sibérie. En effet, la Sibérie est un pays que vous connaissez mal, que nous connaissons mal. Nous allons vous faire découvrir ces Russes de l'Extrême-Orient et je dois signaler que c'est la première fois qu'une équipe de l'ORTF a pu réaliser un reportage en Sibérie. Le pays le plus vaste du monde, des fleuves et des lacs qui n'en finissent pas, les températures les plus basses du monde, une terre qui paraît gelée et vide mais aux ressources inépuisables, la Sibérie est le pays du gigantesque, du superlatif, des records du monde. Rien n'a les mêmes dimensions que chez nous, ni la forêt, ni les arbres, ni le temps qui passe à la fois plus vite et plus lentement. En 1965, c'est la première fois que l'ORTF fait un reportage en Sibérie, le pays, la Sibérie, pourtant nous sommes bien en URSS. Il y a quelque chose de fascinant avec la Sibérie, Eric Hussley, c'est que nous ne sommes pas ici dans des territoires difficiles d'accès, au sens où l'on regarde une carte et l'on voit qu'il n'y a pas de rupture, notamment par un océan, comme c'est le cas entre l'Europe et l'Amérique. Pourquoi la Sibérie est encore méconnue, on va dire jusqu'au XVIe siècle ? Alors effectivement, c'est la première énigme à résoudre quand on s'intéresse à cette histoire de la conquête, parce que finalement, alors même que l'Amérique et l'Amérique du Nord sont déjà connues, en bonne partie, on peut le dire à cette époque-là, on a en fait extrêmement peu de témoignages et d'informations sur ce continent eurasiatique, dans l'Asie du Nord, que constitue la Sibérie. Et effectivement, première question, comment se fait-il qu'il ait fallu attendre la moitié du XVIe siècle ou même la fin du XVIe siècle, c'est vers 1580 qu'en réalité les premières expéditions russes vont s'ébranler en direction de l'Est, que pourquoi a-t-il fallu attendre si tard? Alors la raison, on est assez simple, la voie a été longtemps fermée, verrouillée par les peuples tatars et autochtones de l'Est de l'Oural, qui sont eux-mêmes des affiliés, des descendants de Genghis Khan, et qui en réalité occupent, vivent sur ces territoires-là, ont conquis eux-mêmes toute une série de territoires qui sont, disons, voisins de leurs propres origines centra-asiatiques. Et ces verrous ont longtemps empêché les Européens, y compris les Russes d'Europe, d'avancer vers l'Est. On a bien sûr, plus au sud, au XIIIe siècle, Marco Polo, etc. Mais à partir de cette époque-là, on a en réalité plus aucune information. Et même les cartes sont des espèces d'espaces fantasmatiques où on voit des monstres, des crânes, des cannes mystérieux. Les échelles sont bien sûr totalement farfelues. Et donc on a en réalité, sur notre propre continent, un extraordinaire espace qui est vierge en termes de connaissances. Et c'est seulement à cette fin de 16e qu'en réalité la Russie d'Europe va bouger. Oui, parce qu'il faut bien souligner que ce n'est pas simplement le froid ou l'Oural, cette chaîne de montagnes qui empêche les hommes d'avancer. Les hommes ont été partout. Rien ne les a jamais arrêtés. C'est bien de la géopolitique. Est-ce que le fait que les Espagnols, les Occidentaux découvrent l'Amérique encourage le pouvoir à Moscou d'aller voir vers l'Est si l'on peut rejoindre cet espace? Est-ce qu'il y a cette réflexion-là à partir du XVIe siècle? Alors, elle va venir plus tard. Il y a quelques constantes dans cette histoire sibérienne, constantes qui sont, je pense, même aujourd'hui encore utiles pour comprendre souvent l'attitude du pouvoir russe dans ces lointaines contrées. Une de ces constantes, c'est effectivement la peur, la rivalité, la concurrence avec les autres puissances régionales, les grandes puissances de l'époque. Mais ce phénomène-là va apparaître plus tard. Le mouvement initial, on va dire l'impulsion de la conquête, de l'extension vers l'Est, va venir en réalité non pas du tout du pouvoir central, elle va venir de l'appétit mercantile de quelques pionniers marchands, quelques grandes familles marchandes qui décident de financer des expéditions qui sont mi-punitives et on va dire portée par le lucre, parce que l'objectif est en réalité d'aller effectivement à la fois casser les reins aux assaillants permanents que sont les peuples d'outre-Oural qui viennent faire des raids sur les propriétés russes, et en même temps d'aller ouvrir la voie de la route de la fourrure. Donc c'est en réalité vraiment une impulsion marchande qui va ouvrir la route de l'Est. Et quel est le contexte qui change au XVIe siècle qui va permettre justement cette conquête de l'Est? C'est-à-dire que l'ennemi tatar s'affaiblit. C'est ça. En réalité, on est donc sous le règne d'Ivan le Terrible. Et Ivan le Terrible a progressivement conquis l'artère formidable que constitue la Volga, qui était la voie centrale de l'Empire tatar. Et en s'emparant d'abord de Kazan, puis de la capitale tatar plus au sud, près d'Astrakhan, il va briser les reins de la puissance tatar qui freine la possible expansion vers l'Est. Et il va aussi octroyer des terres à ces grandes familles marchandes, tout à fait extraordinaires, comme celle des Stroganov, des familles d'origine paysanne, mais qui se sont elles-mêmes élevées en termes de culture, de capacité aussi commerciale, par leur propre force aux confins de l'Empire. Elles sont dans les plaines, au pied de l'Oural. Elles font le commerce du sel, elles font le commerce aussi du métal. Et elles sont une sorte c'est vraiment l'équivalent des oligarques d'aujourd'hui, c'est-à-dire cet étrange rapport de créanciers du pouvoir et en même temps de relais du pouvoir dans la région. Il y a un partenariat très étroit. Eh bien, on a déjà ce même type de rapport. Et c'est ces familles-là qui vont finalement, profitant du fait qu'on leur a ouvert la route, décider d'armer des expéditions et passer l'Oural qui, il faut le dire, effectivement, n'est pas du tout une chaîne impressionnante. Hein. L'Oural, c'est surtout dans sa partie centrale et méridionale, ce sont des collines qui sont à une altitude maximum de 500 000 mètres. Donc, ça n'est en rien un obstacle à l'expansion. Mais il faut quand même surtout battre en réalité les armées qui sont en face. Ça y est, Eric Hussely, la route est ouverte. Nous pouvons partir à la conquête de l'Est. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord, c'est une épopée, le mot c'est dans le titre de votre ouvrage, Eric Hussely. Il y a vraiment cette notion d'épopée qui m'intéresse parce qu'elle vient du bas et non pas du haut. Vous l'avez évoqué, ce sont des marchands qui partent, chercher de la fourrure. Nous n'avons pas de son du XVIe siècle, mais en avons de très beaux, des très beaux sons des actualités françaises qui évoquent encore en avril 1954 l'importance de la chasse dans ces grandes plaines glacées. C'est à une autre chasse, mais à une chasse de roi, que se livrent dans la taïga sibérienne les trappeurs russes. Le lynx, en effet, presque disparu dans les forêts d'Europe et qui devient de plus en plus rare, est considéré depuis longtemps comme un gibier noble et met en échec très souvent les chasseurs. Voici la bête. Et la poursuite commence, véritable chasse à courre, à travers la neige. Cerné par les chiens, le lynx n'a qu'une ressource, les arbres. C'est de son refuge qu'il s'agit de le débûcher. Solidement ganté pour résister aux coups de dents ou de griffes, le chasseur grimpe à son tour et s'efforce de faire tomber l'adversaire. À terre, c'est le corps à corps, mais les hommes et les chiens sont trop forts, il faudra céder. On retrouvera derrière une grille ce petit prince aux dents cruelles. Dans les actualités françaises en 1954, il est question de lynx. Quels sont les animaux qui sont chassés pour leur fourrure en Sibérie ? Alors tous les petits mammifères, mais disons la reine incontestée de cette chasse va être la zibeline, qui à plusieurs périodes de cette histoire sibérienne va réellement et littéralement valoir son pesant d'or. En ramenant des fourrures de zibeline que l'on comptabilise par quarantaine, c'est en fait 40 peaux qui sont assemblées, eh bien ces quarantaines de zibeline vont permettre aux pionniers, aux trappeurs, de s'enrichir extrêmement rapidement. Alors, on aurait probablement eu une ruée formidable si la Russie n'avait pas été ce qu'elle est à l'époque, c'est-à-dire un État où domine le servage. Donc, il n'est pas possible pour un paysan russe de décider tout seul de s'en aller vers l'Est à la conquête de la fourrure. Et seuls, finalement, quelques milliers de trappeurs passent régulièrement l'Oural en direction des grandes plaines sibériennes pour aller chasser en particulier la zibeline. Bien sûr, il y a aussi le renard, il y a l'écureuil. On a toutes les hermines, bien sûr. Donc on a toute la panoplie des petits mammifères. Mais encore une fois, la zibeline, par la densité de sa fourrure, sa légèreté, est tout à fait extraordinaire. Et en réalité, cette chasse à la fourrure va dicter le rythme de l'avancée vers l'Est, qui est assez, assez formidable. On peut dire que grosso modo, c'est au rythme de l'extinction ou de la quasi-extinction des zibelines que finalement l'avancée russe se fait. On avance de manière très simple, on y va par compagnie, on travaille en groupe, le travail est tout à fait organisé, on met les pièges. Les saisons de chasse durent en réalité plusieurs années, le temps d'y aller, le temps de s'y installer, de mener la chasse et de revenir, entre 4, 5, parfois 7 ans. Et on va en fait essayer d'occuper une petite partie de territoire pour s'emparer de l'ensemble des proies qui s'y trouvent. Et lorsque la chasse devient trop difficile, on va en voir un peu plus loin. Alors on peut s'enfoncer dans les marécages, on peut s'enfoncer dans la taïga. En général, on va suivre le cours des fleuves, ce qui est évidemment le moyen le plus simple. Et au fur et à mesure de la chasse à la zibeline, on va aller de plus en plus loin vers l'est. À un rythme qui est tout de même assez effréné. En grosso modo, on peut dire que toutes les décennies, les chasseurs russes avancent de 1000 km vers l'est. C'est énorme. Ouais. Voilà, ce qu'ils vont, en 60 ans, ils vont atteindre le Pacifique. Mais on a, si on prend la chose du point de vue du butin, on a des bilans tout à fait impressionnants. Parfois, certaines infos annoncent des captures de 400, 500 000 zibelines en une année. Donc c'est vraiment, on peut dire qu'on dépouille en réalité la Sibérie de la zibeline, et elle va être vraiment ce moteur d'avancée vers l'Est. Eric Hussley, on comprend bien que la fourrure est le moteur, que la surchasse fait qu'il faut aller toujours de plus en plus loin vers l'Est, mais pour bien comprendre cette conquête de l'Est, il faut regarder à une autre échelle, une économie mondiale, c'est-à-dire que si l'on a besoin de fourrure, il y a des explications qui viennent de l'autre bout du monde aussi. Tout à fait. Alors, d'abord, il faut se souvenir aussi qu'à cette époque, l'État russe, l'Empire russe, ne dispose pas de minerais, ni d'argent, ni de cuivre. Il a donc pas de monnaie. Et la fourrure est utilisée en réalité à la fois dans le commerce intérieur et également dans le commerce extérieur comme monnaie d'échange. Alors, on va voir. D'ailleurs, on a une mode qui apparaît aussi à cette époque-là en Europe. On se souvient de ces tableaux flamands et de la peinture anglaise avec la bourgeoisie montante qui apparaît avec ses cols de fourrure, c'est tout à fait contemporain. On peut dire que statistiquement, ce sont des fourrures de zibeline russes. Et cette brusque montée de la mode de la fourrure s'accompagne en plus du petit âge polaire. Donc on a toutes les composantes de cette histoire s'amassent pour mieux le comprendre. Et progressivement, effectivement, on va avoir un État russe qui dépend pour beaucoup de cette fourrure. Et de nouveau, un trait assez intéressant, une symétrie avec la Russie d'aujourd'hui, dépendant, elle, du gaz et du pétrole, mais une sorte, si vous voulez, d'économie qui est complètement concentrée sur une matière première et qui va, du coup, provoquer toutes sortes de conséquences dans la formation même de l'État. C'est un État, en réalité, dépendant d'une seule matière première qui est en train de s'installer. Dès lors, le pouvoir s'intéresse à ces territoires où il y a cette ressource essentielle. Pour le pouvoir, vous l'avez bien dit, Eric Hussley, parce que c'est l'argent en fait, cette fourrure. Le pouvoir s'intéresse à la Sibérie, et là encore, nous n'avons pas de son des 16e, 17e siècle, plutôt, et même un peu plus tard encore, 18e siècle, quand le pouvoir à Moscou s'intéresse à l'Est. Mais nous avons un documentaire, un film documentaire de Chris Marker en 1957, Lettres de Sibérie, où Chris Marker s'amuse avec une fausse publicité qui vante la Sibérie. J'interromps un court moment cette projection, ce n'est pas pour vous vanter un nouveau produit, mais pour vous rappeler qu'il existe un produit ancien, un produit unique, un produit absolu qui remplace tous les produits, et que c'est le renne. Non seulement animal domestique, moins encombrant que le chien, moins intimidant que le chat, moins insidieux que la puce, le renne vous comblera. Mais vous qui vous plaignez de votre voiture, le renne vous transportera. Vous qui vous plaignez de votre tailleur, le renne vous vêtira. Vous qui vous plaignez de votre médecin, le renne vous soignera. Vous qui vous plaignez de votre intérieur, le renne vous décorera. Vous qui vous plaignez du destin, le renne vous protégera. Et n'oubliez pas que pour petits et grands, le renne est un aliment complet qui contient de la chlorophylle. Méfiez-vous des contrefaçons. Ni le cerf, ni l'élan, exigez toujours le renne. En 1957, Chris Marker se moque en fait de la propagande qu'on peut faire autour de la Sibérie. Ce sont les lettres de Sibérie. Dites-nous, Eric Hussley, à quel moment le pouvoir impérial russe s'intéresse à la Sibérie? À quel moment il laisse la place à ses hommes plutôt qu'aux trappeurs qui sont partis et qui en fait ne sont complètement libres? Le pouvoir veut avoir la main sur ces territoires. Il veut surtout avoir les revenus fiscaux qu'il peut imaginer, qui sont très importants à partir de ces fourrures. Dès l'instant où cette ressource extraordinaire permet à ces trappeurs, finalement, en une ou deux saisons de chasse, d'assurer leur retraite, si on utilise des termes modernes, le pouvoir va suivre immédiatement avec sa politique fiscale. Alors c'est d'abord une politique qui est axée sur les autochtones, parce qu'en réalité, encore une fois, la fourrure va dicter la politique coloniale russe en Sibérie. On n'est pas à la recherche de territoire, on n'est pas à la recherche d'une occupation du territoire, comme ça va être le cas dans d'autres régions du monde. On est à la recherche d'un maximum de fourrure. Et les autochtones sont des auxiliaires précieux. Ils connaissent parfaitement l'endroit, ils sont extrêmement habiles dans les techniques de chasse, et donc on va tenter de les utiliser et de les pressurer pour en obtenir un maximum de fourrure. C'est un impôt spécial qui s'appelle le Yasak, qui va être imposé sur toutes les populations de l'Orient russe, de toute la Sibérie et de l'Extrême-Orient en général. Et puis, pour les pionniers russes, on a la dîme. Alors, à partir de l'instant où ce mécanisme se met en place, tout le système de colonial et on est en réalité la conséquence. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut être sûr qu'on a accès au meilleur pot pour payer l'impôt. Donc, il est interdit de vendre une fourrure avant d'avoir payé la dîme. Ensuite, il faut s'assurer que pour toute transaction, la personne puisse présenter le document. Ensuite, on va mettre des barrages sur les routes, on va créer des forts. Ensuite, on va, lorsque c'est l'hiver, on va taxer les chevaux. Et puis, lorsque c'est l'été, les barques. Et on va avoir jusqu'à 25 impôts différents qui sont accumulés pour contrôler. Et quand tout est contrôlé, il faut contrôler les contrôleurs. Donc, on va mettre en place une administration qui doit essayer de combattre la corruption ambiante, naturellement. Et s'installe encore une fois une économie fiscale et une sorte de proto-État qui, encore une fois, rappelle beaucoup les problèmes actuels de la Russie en termes pétroliers, avec la même logique fiscale et surfiscaliser tout ce qui est possible d'obtenir. Et on voit exactement ce mécanisme-là s'installer. Donc l'État va venir par le fisc derrière les pionniers et les trappeurs, suivront les prêtres qui naturellement veillent à l'évangélisation des populations autochtones, et puis très rapidement les soldats, puisqu'il faut assurer de l'ordre. Et donc, peu à peu, l'État s'installe dans le sillage des trappeurs. Et c'est seulement à partir du 18e, et surtout à partir de Pierre le Grand, qu'on va entrer dans une politique d'appropriation coloniale plus classique, notamment du fait de la rivalité avec les autres puissances, et l'inquiétude qu'elles pourraient, elles, s'emparer, venant du Pacifique, de ces terres extraordinaires est encore inconnu. Et l'appropriation coloniale passe aussi par le savoir. C'est grâce au savoir que l'on maîtrise les territoires. Commencent également des expéditions scientifiques avec toujours cette question qui taraude pas seulement les Russes mais peut-être le monde entier. Y a-t-il un passage entre la Sibérie et l'Amérique? Et ça, c'est une vraie question. Imaginez qu'il n'y en ait pas. C'est l'inquiétude qui est dans la tête des dirigeants russes et en particulier du tsar Pierre le Grand. On pourrait voir surgir de l'Amérique du Nord et des profondeurs de l'Amérique du Nord où les Français sont à l'époque très actifs, mais les Espagnols remontent également le long de la côte depuis le Mexique à la Californie. On pourrait les voir tout d'un coup surgir à l'Est. Et cette inquiétude est effectivement double la curiosité on va dire scientifique, géographique des élites de cette époque-là. Le tsar s'en rend parfaitement compte lors de sa fameuse visite en France et à Versailles, où il vient voir le petit roi Louis XV, qui est encore dauphin, et on est dans le système de la régence. Et là, il rencontre bon nombre de géographes, d'astronomes, de scientifiques, qui tous lui posent un peu cette question-là, mais y a-t-il un passage entre l'Asie et l'Amérique. Les Français lui proposent gentiment d'aller voir eux-mêmes, mais Pierre le Grand, qui n'est pas complètement dupe, se dit qu'il vaut sans doute mieux le faire lui-même, et il va effectivement lancer une expédition, et finalement il y en aura deux des plus formidables expéditions scientifiques de l'histoire humaine, dont l'objectif est un, d'aller, entre guillemets, redécouvrir l'Amérique, si on peut parler de découverte, bien sûr, mais disons de découverte pour l'Europe, et cette fois-ci en passant par l'Ouest, si vous voulez, en arrivant en Amérique par l'Ouest. Et d'autre part, de faire l'inventaire de cet extraordinaire continent. C'est très important de souligner ça, parce qu'il y a un nom qui claque à nos oreilles, et c'est Bering. On entend parler du détroit de Bering. Bering est un homme qui est parti, n'était pas seul, ils étaient plusieurs, et notamment avec Steller. Nous allons écouter la lecture d'un extrait tiré de l'ouvrage D'après nature, poème élémentaire. C'est l'essayiste allemand Sebald qui a écrit ça et qui raconte l'arrivée de Steller et Bering en Alaska. À À l'aube du lendemain, jour de la Sainte-Élie, Stellaire alla à terre. 10 heures, c'est le temps que Bering, qui déjà portait l'effroi inscrit sur son front, lui avait accordé pour une excursion scientifique. L'eau était maintenant d'un bleu intense, et aussi les forêts qui descendaient jusqu'au rivage de la mer. Nullement troublés, les animaux s'approchaient de Stellaire. Des renards noirs et roux, et des pies, des geais et des corneilles l'accompagnaient sur son chemin, traversaient la plage avec lui. Dans l'obscurité transparente entre les arbres, il marchait comme flottant sur les coussins de mousse épais d'un pied. Il était sur le point de continuer en direction de la montagne, plus avant dans cet espace vierge et froid. Mais les constructions de la science dans sa tête, visant à la réduction du désordre du monde, faisaient obstacle à cette tentation. L'essayiste allemand Winfried Sebald qui raconte l'arrivée de Stellaire et Bering en Alaska. C'est un texte qui nous a été lu par Mélodie Auru. C'est une véritable découverte en fait. Bon, donc il n'y a pas de contact direct entre la Russie, la Sibérie et l'Alaska. Malgré tout, c'est une découverte. C'est un monde nouveau qui s'ouvre aux Russes. C'est ça, et toujours sous l'impulsion, on veut aller à la fois à la conquête de la fourrure, et comme on n'en a plus assez en Sibérie, on va passer sur l'Amérique, et on va passer aussi sur les mammifères marins, qui intéressent également beaucoup les Russes. Mais effectivement, là, alors l'État est cette fois-ci très impliqué, on est aussi dans une politique de conquête coloniale. Bering, danois, 43 ans lors de sa première expédition, va mener 2 très grandes expéditions. On peut parler, la première va en réalité prouver qu'il y a, prouver aux Européens, parce que les autochtones le savent depuis longtemps, qu'il y a un passage entre l'Amérique et l'Asie. La seconde est chargée de faire, encore une fois, l'inventaire de cette partie du monde. Elle est chargée aussi, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, de prendre langue avec le Japon. On doit, ce cahier des charges de Bering qui lui est donné par l'impératrice Anna est tout à fait formidable. Il doit cartographier l'ensemble des côtes de l'Arctique qui sont couvertes par la glace, que personne n'a franchi jusque-là. Il doit cartographier la côte pacifique, il doit cartographier l'Amérique s'il la trouve, il doit ouvrir les relations commerciales avec le Japon, et il doit en plus faire l'inventaire ethnographique, purement disons, géographie physique, mais également archéologique, linguistique de tous les peuples de la Sibérie. Donc c'est vraiment une tâche complètement surhumaine. Il va signer malgré tout ce cahier des charges et partir pour une expédition de 10 ans où il laissera la vie. Mais cette expédition en elle-même, effectivement, le récit est tout à fait formidable parce qu'elle dure 10 ans. Elle va consommer une partie importante du budget russe. Certains des spécialistes de l'histoire de l'exploration considèrent que c'est la plus grande expédition scientifique de l'histoire humaine. Et elle va effectivement permettre d'aller jusqu'à l'Alaska. Elle va aussi nous révéler des figures scientifiques tout à fait formidables, très peu connues du grand public, comme Stellaire dont on vient de parler. Un jeune Allemand qui a à peine la trentaine et qui va lui-même révéler ses talents universels. C'est à la fois un botaniste, c'est un zoologue, c'est un théologien, c'est un médecin, disons-le, un foutu caractère. Et visiblement, tous les témoignages de l'époque concordent là-dessus, mais un génie en termes scientifiques. Et c'est ce mélange d'envie, de passion, de cupidité aussi, de curiosité et de savoir qui porte cette expédition jusqu'à l'Alaska et qui va ouvrir une nouvelle page de l'histoire russe en Amérique, puisque l'Alaska, pour quelque temps, va être russe. L'épopée sibérienne, c'est votre ouvrage, Eric Huxley. On sent la passion dans votre manière de raconter, parce que le sujet est passionnant. Et c'est vrai que cet ouvrage-là nous emporte. Souvent, on dit qu'il y a du romanesque là-dedans. C'est peut-être une forme d'écriture, sans doute, mais c'est surtout un sujet qui porte à cela. Et ça y est, les Russes sont arrivés à l'Est. L'Est, mais ils ne sont pas seuls parce qu'ils rencontrent d'autres gens. Et là, nous arrivons avec l'autre question qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ce sont les Japonais. Ce ne sont pas des voyageurs perdus, ces Russes. Ils vont rencontrer. Cette rencontre va-t-elle être pacifique ou va-t-elle être belliqueuse? Nous allons en parler juste après avoir écouté Jean-Louis Murat, Les Voyageurs Perdus. « France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Perdus dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Nous poursuivons notre réflexion sur la conquête de l'Est. Oui, la conquête de l'Ouest est une chose, la découverte de l'Amérique est une chose, mais au même moment, il y a des explorateurs, il y a des marchands, il y a plein de gens qui se dirigent vers l'Est, qui découvrent la Sibérie et arrivés tout au bout de la Sibérie, ils rencontrent un monde qu'ils connaissaient déjà par ailleurs, ce sont les Japonais. Nous allons en parler avec vous, Annick Oriucci. Vous êtes professeur d'histoire du Japon à l'université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste de la période Edo. Donc la période Edo, 17-19e siècle. Exactement. C'est une période qui correspond au pouvoir des Tokugawa, des shoguns Tokugawa. Donc je pense que peut-être le nom des shoguns Tokugawa est peut-être mieux connu. Et donc c'est une période également connue pour une politique de fermeture du pays. En tout cas, c'est cet aspect sur lequel on met souvent l'accent. Alors, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Ça veut dire que les Japonais, en tout cas le peuple japonais, n'a pas le droit de sortir du pays. Et le Japon a des contacts avec des étrangers, mais par des canaux très très précis et très contrôlés. Et donc il y a les Hollandais, les marchands hollandais, les marchands chinois. Donc ça, tout cela se passe à Nagasaki, au sud du pays, et au nord, ils ont confié les contacts avec les autochtones de la région de Hokkaido, qui ne s'appelle pas encore par ce nom. À un fief qui s'appelle Matsumae. C'est essentiel ce que vous dites là, Annick Oriucci. Nous sommes donc dans une période, et c'est vrai que c'est l'image que nous avons en tête, d'un pays complètement fermé, un pays où on ne peut pas rentrer, d'où on ne peut pas sortir, c'est important de le dire. Et donc il n'y a pas d'échange possible. Un pays, malgré tout, dans cette période Edo, qui fascine, parce que justement, sans doute, on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas en sortir, avec une culture magnifique. Nous allons écouter, c'est un ensemble musical, Iriji Kai, qui a remis en musique la période Edo, qui a retrouvé ses sons de la période Edo. pays peut-il être vraiment complètement fermé, Annie Coriucci ? Alors, c'est une idée qui a été répandue en réalité par les Européens. Du point de vue des Japonais, le pays n'était pas fermé du tout et il n'a cessé de s'intéresser à ce qui se passait à l'extérieur, même si au XVIIe siècle, dans la mesure où les contacts étaient très réduits et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, le pays s'est plutôt replié sur lui-même. Mais la situation change beaucoup au XVIIIe siècle, et tout particulièrement dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, où précisément les Russes se manifestent aux frontières du Japon. C'est essentiel, et d'ailleurs il y a une année que l'on peut retenir, c'est l'année 1771. Que se passe-t-il en 1771? C'est pour simplifier sans doute, mais il y a un contact intéressant qui va faire évoluer justement la manière dont le Japon se représente la fermeture de son pays. Alors, je ne sais pas s'il y a une date. En fait, il y a plusieurs dates et tout dépend de celle à laquelle on veut, sur laquelle on veut mettre l'accent. En fait, les contacts se sont multipliés entre le fief de Matsumae, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les Russes. Il y a eu c'est plutôt des contacts, disons, par l'intermédiaire donc des autochtones du peuple Ainu. Et ce qui se passe également, c'est le passage donc de Moritz Beniowski, qui alerte à travers des contacts très sporadiques avec les Japonais de la descente, si on peut dire, de l'approche des Russes. C'est un Russe, hein, lui-même. Non, c'est un Hongrois. C'est un Hongrois, oui. Alors, c'est un Hongrois qui vient par la Russie. Voilà, donc c'est un soldat hongrois qui a rallié une confédération polonaise, qui s'est battu contre les Russes, qui a été fait prisonnier et qui s'est retrouvé donc dans une prison en Sibérie et qui a réussi à se soulever donc et à s'échapper de ses geôliers en prenant un bateau. Et ce bateau, donc à travers le long de sa fuite, il va passer le long de l'archipel japonais et établir des contacts, mais vraiment sporadiques, pour demander des vivres. Et c'est à ce moment-là que les Japonais, évidemment, sont alertés. Alors, le pouvoir ne s'en inquiète absolument pas, mais ce sont les intellectuels qui vont réagir de manière très très vive à cette alerte. Voilà, l'alerte, c'est de dire, les Russes sont là, ils arrivent, des peuples arrivent. Il faut bien souligner que le Japon n'est pas un pays peuplé d'une identité unique, c'est un pays plus complexe. Vous avez fait pareil, Eric Hussley, dans votre ouvrage, où il y a des cartes, et c'est formidable, les cartes en histoire, on en a vraiment besoin. Vous avez une carte de la répartition ethnique de la population de Sibérie à la fin du 19e siècle. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, la Sibérie, ce n'est pas un peuple, il y a plein de peuples différents. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans l'explication de la conquête vers l'Est. Ah, c'est même fondamental parce que ces territoires dont on parle en parlant en termes de découverte, bien sûr des territoires occupés dans lesquels se trouve une mosaïque de peuples. Aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, c'est une des richesses de cette partie du monde d'avoir une couverture ethnique extrêmement diverse. Et bien sûr que voilà, il y aurait encore une histoire formidable à refaire autour de cette période en prenant l'angle, on va dire, de l'histoire globale et essayer de la reconstruire aussi avec les points de vue des peuples autochtones. Je dirais là, c'est encore un travail à faire. Cette diversité est capitale pour comprendre la région. Et d'ailleurs, pour le Japon, c'est le cas aussi. Il n'y a pas qu'un peuple, il y a plusieurs peuples. Et notamment, il y a un peuple dont on a beaucoup parlé parce qu'ils sont intrigants par le rapport qu'ils ont avec les autres ethnies au Japon. Ce sont les Ainu. Extrait de l'émission Faut pas rêver, France 3, 1995. Vraisemblablement, originaires d'Europe centrale, les Ainu sont arrivés à pied depuis la Sibérie et la Mandchourie. Les Ainu, qui sont en quelque sorte nos cousins, vont donc être les premiers habitants du Japon. Un peuple aux étranges coutumes. Ainsi, les femmes Ainu, désireuses de ressembler à leur mari poilu, elles se faisaient tatouer une moustache dès leur plus jeune âge. Malheureusement pour les Ainu, ils vont être rejoints dans l'archipel japonais par d'autres envahisseurs. Des peuplades de race mongole, les ascendants des Japonais actuels. Mieux organisés, les Japonais vont progressivement refouler ces êtres étranges et velus vers le nord, vers l'île d'Hokkaido, où ils vont être parqués dans des réserves. La diversité ethnique du Japon est essentielle aussi pour comprendre comment les échanges se produisent avec les étrangers qui arrivent, en l'occurrence les Russes. Annick Oryushi, les Aïnous par exemple sont au nord. Les Aïnous sont au nord, donc ce sont les premiers, on va dire, à rencontrer ces Russes qui arrivent de si loin. Bien sûr, mais les Aïnous ne font pas partie du peuple japonais. Ils ont été, en quelque sorte, leur territoire a été colonisé par les Japonais. Et en fait, la période qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les dernières décennies du XVIIIe siècle, correspondent au début de la colonisation, si on peut appeler ce mot, des Japonais, de ces territoires-là par les Japonais. Et quand je parle de ces territoires, je parle de l'île de qu'on appelle aujourd'hui l'île de Hokkaido, et également les îles Kuriles, une partie des îles Kuriles. Mais les choses se font très progressivement, à la fois très progressivement et très vite, d'une certaine façon, puisqu'il y a une pression économique qui joue et qui fait que les Aïnous sont de plus en plus engagés dans le système économique japonais de cette époque. C'est important de voir comment ce contact se produit entre ces nouveaux arrivants que sont les Russes et les Japonais. Comment ça se construit? Ça interroge le pouvoir impérial au Japon, ça interroge enfin les intellectuels, vous l'avez dit, Annick Oryushi, ça interroge le pouvoir qui décide d'envoyer des explorations. C'est important de le dire parce que nous n'avons pas dans nos représentations l'image du Japon qui part en exploration. Pourtant, c'est le cas. Tout à fait. Alors, c'est une histoire, en fait, assez complexe. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les choses se passent extrêmement vite. Donc, en apprenant l'approche des Russes, qui va d'ailleurs se traduire par deux ambassades dont on pourra éventuellement reparler, le pouvoir donc des shoguns va prendre un certain nombre de dispositions et notamment l'organisation d'exploration. Mais parallèlement, les intellectuels vont se mettre à étudier à travers la langue hollandaise, qui était la seule langue occidentale avec laquelle ils avaient un contact. Et donc, à travers la langue hollandaise, ils vont découvrir des ouvrages de géographie qu'ils vont traduire, et comme cela, ils vont découvrir l'histoire des pays européens, et en particulier l'histoire de l'expansion russe en Sibérie. Et donc, ils vont pouvoir enfin faire le lien entre ce qui se passe dans les régions nord et la Russie, qui était jusque-là un pays qu'ils situaient beaucoup plus à l'ouest. Oui, parce qu'ils imaginaient que c'était un peu à côté de la Hollande, quoi. Exactement. Globalement, ils étaient en Hollande. Et là, ils se rendent compte que la Hollande, en fait, c'est plutôt juste à leur porte. Vous avez évoqué des ambassades, Annick Oryushi. Oui. C'est vrai que le pouvoir en Russie, les tsars, en l'occurrence tsarines, envoient des ambassades jusqu'au Japon. Voilà. Alors, ils ont un prétexte, si on peut dire, pour venir frapper à la porte du Japon, c'est le rapatriement de naufragés. Donc il y a eu un bateau japonais de marchands qui s'est retrouvé qui a dérivé jusque dans une île aléoutienne et qui va traverser la Sibérie et se retrouver à la cour de Catherine II de Russie, et Catherine II va prendre la décision de rapatrier ce marchand japonais et les deux, trois rescapés de ce naufrage va donc prendre la décision d'envoyer une ambassade en rapatriant ces Japonais. Et donc cette ambassade va arriver en 1792 au nord du Japon. Ça y est, la conquête de l'Est est faite et les contacts sont là. Ces contacts, par contre, nous en avons besoin, ils sont essentiels parce qu'ils expliquent l'histoire qui suit jusqu'au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui encore. Vous avez évoqué, Annick Oryushi, les îles Kuriles. Mm-hmm. Les îles Kuriles posent toujours des problèmes et les problèmes datent de ce XVIIe siècle, de ces rencontres. On peut dire que les Japonais s'appuient sur ces contacts et sur cette période-là pour revendiquer la propriété d'une partie de ces îles, puisque il y a un pilier, si on peut dire, qui a été planté sur une île, Kuriles, qui s'appelle que les Japonais donc désignent par Etorofu, et qui a été planté vers les années 1790 et qui a indiqué que cela faisait partie du territoire japonais. Et donc, il se base sur ça pour revendiquer cette propriété. Et justement, vous, Eric Hussley, en étudiant l'épopée sibérienne, vous notez aussi que le contact avec le Japon, l'arrivée au Japon, met la base de toutes les problématiques qu'il y a encore aujourd'hui pour la Russie, c'est-à-dire jusqu'où va-t-on, comment prenons-nous place sur le territoire, jusqu'où peut-on aller? Oui, puis on est dans la triangulation géopolitique contemporaine entre Japon, Chine et Russie. Et cette histoire triangulaire, effectivement, on la sent déjà, elle est présente, bien sûr, sous toutes sortes d'autres formes, au 19e en particulier, au 20e, bien sûr, avec la Deuxième Guerre mondiale, qui est le dernier moment dans lequel, finalement, ce conflit autour des Kourils va se cristalliser. Mais aujourd'hui encore, voilà, le Japon et la Russie sont, à l'heure actuelle, juste là, dans les semaines que nous vivons, en discussion sur cette question. Il n'est pas exclu que dans les semaines qui viennent, on trouve enfin, on va dire, une solution à ce conflit. Nous sommes partis du 16e siècle et nous arrivons à vraiment aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, c'est le contemporain presque de la semaine. C'est ça aussi, la conquête de l'Est. Il est 9h51 sur France Culture et dans le cours de l'histoire, c'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, le journal de l'histoire rend hommage à une grande historienne. Georgette Elger. Eh oui, disparue le 8 octobre, Georgette Elger. Quand je vois les 6 volumes de l'histoire de la 4e République, je suis saisie d'étonnement et de stupeur. J'ai passé 50 ans pour essayer de raconter 12 années d'histoire. Georgette Elger nous a quittés après avoir fait revivre avec acharnement un point aveugle de l'histoire de France, la 4e République, qui a duré de 1946 à 1958. Longtemps considéré comme la salle d'attente de la 5e République, ce régime sans icône et sans héros est enterré par Charles de Gaulle et son retour en politique dans le fracas du putsch des généraux en Algérie. Cette 4e République mal aimée, Georgette Elger en a tiré 6 volumes, élaborés à partir de centaines d'entretiens et d'archives, recueillis auprès de Mendès France et bien d'autres. C'est le défi d'un récit impossible, fait d'instabilité gouvernementale, il y aura 24 gouvernements en 12 ans, et de chutes de cabinets à répétition. Georgette Elger a inventé une manière de dire les lendemains de la Seconde Guerre mondiale en France, entre reconstruction, chute de l'Empire colonial et naissance de la guerre froide. Le deuxième livre, j'ai voulu essayer de faire un livre d'histoire. Bon. Je pense que j'ai voulu essayer de faire le livre que j'avais envie de faire. Ce qui fait que je me suis donné beaucoup plus de liberté, non pas vis-à-vis des faits, mais vis-à-vis du plan, vis-à-vis même de la façon de raconter. Si vous voulez, quand un détail me paraissait intéressant, je ne peux pas savoir s'il était indispensable à la compréhension, puisque moi, il m'intéressait, il devait intéresser mes lecteurs. Donc, si vous voulez, et cette tendance à m'approprier le livre, en fait, un livre de plus en plus personnel s'est développée au fil des années. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le dernier volume de la 4e République, vous avez des notes de bas de page qui finalement font un livre dans le livre. Est-ce que je ne me serais jamais permis au début ? Enfant illégitime, né d'une mère juive convertie, sa famille se cache en zone libre pendant l'occupation. Georgette Elger devient ensuite journaliste politique jusqu'à son engagement aux côtés du désormais président de Gaulle au début des années 60. Le premier volet de son histoire de la 4e République est achevé en 1962. Georgette Elger s'y exprime sous la double casquette d'historienne et de journaliste, l'une commentant l'autre, et la rigueur de son enquête lui assure la confiance des gaullistes et de François Mitterrand, qui en fait sa conseillère à l'Élysée dans les années 80, mais également l'archiviste de sa présidence. Devenue directrice littéraire au sein des éditions Fayard, elle publie entre autres les textes politiques de François Mitterrand et préside ensuite le Conseil supérieur des archives pendant 10 ans jusqu'en 2016. Si Georgette Elger nourrissait un goût immodéré pour la vie politique et ceux qui la peuplaient, elle en avait tiré une conception d'exigence au service de l'État. Le dernier volume de son histoire de la 4e République a été publié en 2012. Finalement, ce n'est pas du soulagement que je dois à ce livre, mais de l'ahurissement. Je suis ahuri par ce livre, mais vraiment ahuri comme par les 5 qui le précèdent. Je ne comprends pas toujours comment je les ai écrits, et je ne comprends pas surtout comment je les ai achevés. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Je ne savais pas où j'allais, et je sais que je ne sais toujours pas où je vais. Eric Hussley, vous avez écrit l'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord. Nous avons évoqué aujourd'hui particulièrement ce qu'était cette conquête. Nous sommes plutôt au 16e, 17e siècle. Évidemment, quand on parle de Sibérie, il faut évoquer la transformation majeure du pays. Alors, par le transsibérien, on pourrait parler du goulag également. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'autre en Sibérie qui n'a rien à voir, on pourrait penser directement avec l'homme, et pourtant qui a à voir avec l'homme, c'est le changement climatique. La Sibérie tire la sonnette d'alarme. Le réchauffement climatique entraîne la fonte du permafrost, des sols gelés toute l'année qui recouvrent le nord de la Russie. En plus des dégâts matériels qu'elle entraîne, la fonte du permafrost constitue une menace pour l'ensemble de la planète. Les sols gelés renferment près d'1,7 milliard de tonnes de CO2. Si tout ce carbone était rejeté dans l'atmosphère, les températures globales pourraient augmenter de plus de 10 degrés. Votre objet d'étude, Eric Hussley, est en train de se transformer radicalement. Vous étudiez cette épopée sibérienne. Vous avez travaillé sur ce pays, vous avez retravaillé les cartes, notamment dans votre ouvrage, il y a des cartes. Vous avez été aux archives, des archives qui viennent d'être ouvertes sur la Sibérie. Tout cela est transformé. C'est une considération que l'on prend en compte quand on étudie un pays, de le regarder, peut-être une émotion même, de se dire « mon objet d'étude disparaît ». Non, l'objet d'étude, au contraire, il ne fait que devenir de plus en plus intéressant. Il se transforme. Et c'est d'ailleurs à cet aspect-là des choses que je m'intéresse aujourd'hui avec mes étudiants, puisque tous les étés, je passe quelques semaines dans le terrain, dans le Grand Nord, précisément pour étudier un peu l'impact du changement climatique et ses conséquences humaines, sociales, politiques également. Donc on est encore dans cette histoire. Et un des côtés fascinants de cette Sibérie, c'est précisément cela, c'est que vous avez encore ce sentiment d'une histoire qui avance sous nos yeux. On voit des villes qui se créent, on voit des villes qui meurent. On a cet esprit de pionnier. Et je peux vous dire que les étudiants qui participent à ce type d'expédition, c'est la première chose qui les frappe. Voilà, ouais. Cette histoire en marche avec le souffle du vent dans les cheveux. Et du professeur qui les accompagne. Merci beaucoup Eric Hussley. Merci beaucoup Annick Oriouchi. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. À demain pour le cours de l'histoire.